arc-en-ciel, un amour de FM. Les chansons souvenirs sont sur arc-en-ciel. 96.2, 96.2. Arc-en-ciel. Tout, il est 13h30 passées. Voici donc le retour avec l'émission Souvenir, comme tous les vendredis, entre 13h30 jusqu'à 16h. Aussi, j'espère que vous avez passé une bonne matinée avec l'émission de Lorenzo et que vous allez retrouver la semaine prochaine entre 9h jusqu'à midi. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, on va commencer l'émission avec Luis Mariano. Le titre s'appelle Le cœur des femmes et juste après d'autres chansons comme John Williams. On peut l'apprivoiser un jour, mais il veut s'envoler toujours. Un cœur de femme est prêt à s'évader. Il faut pour le garder, ne jamais le quitter. Un cœur de femme est un oiseau léger qu'on ne peut délaisser toujours. Car il peut se lasser un jour, mais il s'enflamme, n'est-il pas madame, que seul un grand désir peut retenir un cœur de femme. Bon, je chante ce refrain sans s'y attacher d'importance, oui. Mais je m'aperçois soudain qu'il contient tout ce que je pense. Un cœur de femme est un oiseau léger. On peut l'apprivoiser un jour, mais il veut s'envoler toujours. Un cœur de femme est prêt à s'évader. Il faut pour le garder, ne jamais le quitter. Un cœur de femme est un oiseau léger. On ne peut délaisser toujours. Car il peut se lasser un jour, mais il s'enflamme, mais il s'enflamme, madame, que seul un grand désir retenir un cœur de femme. Au

Voici donc Soleil, Soleil avec Nana Mouskouri. Arc-en-Ciel, un amour de FM. Pour le plaisir, avec Herbert Léonard.

jeunesse dans un ciel bleu, le soleil brillait. Sur la plus haute de tes vertes collines, on aimait en venir à mon ami pour admirer les reflets de ma vie, de l'océan au pied du paradis. Saint-Martin, Voici donc qui s'appelle tout simplement Gérard Blanchard. Il voulait revoir sa Normandie. Aujourd'hui ainsi pour demain. Donc à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver Emmanuel avec l'émission Découverte. Et puis juste après lui, entre 19h jusqu'à 22h, avec Albino, l'émission Marie-Carme. Et puis demain, samedi, à partir de 9h jusqu'à midi, avec Christine pour l'émission Portugal, nous, Corréziens. portugais. Demain, je vous laisse avec trois morceaux portugaises. Et puis, en allant dans les chansons portugaises, un petit coucou à Florian. Et voici quelques chansons pour lui. Voici donc les chansons portugaises. Et on se retrouve juste après avec les chansons françaises. Llegó el ritmo, del amor. Y vamos todos a cantar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Et juste après lui, Marc Lavoine. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in.

I'm a Voilà donc, juste après à quoi avec Barry Girls, voici donc Asia. Elle est à moi. Toi. Elle t'appelle, elle

s'enchaîne. Pas la peine, y a plus que le désir qui se déchaîne. Tout passe la passion. Le ciel a traversé l'ouragan à passer. On ne part pas sans laisser quelques cœurs cassés. Quand passe la passion. Quand passe la passion. L'amour qui me freine, comme un enfant qui crie, maman, papa, ne pars pas. On va jusqu'à perdre le cœur, perdre la raison. Qu'on passe la passion. Portugaise, on se retrouve juste après avec Catherine Lara. Castelo.

là-bas.